Moi, je travaillais à tous les bâtiments. Je travaillais à tous les bâtiments. Même à une époque, quoi, le bâtiment du côté rivière, tout un étage, c'était des appartements. Le plus haut étage. Là où, à l'entrée, il y a un escalier en colimaçon qui monte. Et bien, en métal, un petit escalier. Oui, en colimaçon. Et bien, c'était là où il arrive en haut, c'était les habitations, là. Tout le couloir. Tout le bâtiment, les deux salles. Et qui vivait là? C'était des ouvriers. Parce qu'à l'époque, tous les bâtiments d'usine, il devait y avoir entre 50 et 60 personnes, adultes ou enfants, le début des années 60. Et dans les familles qui vivaient là, en général, c'était soit le mari, soit la femme qui travaillait, ou les deux travaillaient? Des fois les deux, ça dépendait. Ils s'arrangeaient pour travailler, parce qu'ils faisaient équipe, un matin, l'autre après-midi, ils s'arrangeaient pour travailler tous les deux. Et des fois, il y en avait qu'un, ça dépendait. Et vous avez travaillé dans l'usine? Oui. 39 ans presque. 39 ans. Oui, 39 ans, j'en ai vu des choses. Donc vous êtes rentré quand à l'usine? Je suis rentré le 6 mai 1963, je vous dirai la date, et je suis parti en décembre 2001. Vous aviez quel âge quand vous êtes rentré à l'usine? Pas tout à fait 18 ans. Il s'est manqué de quelques mois pour avoir 18 ans. J'étais le, comme on disait à l'époque, j'étais le gamin. Ah ouais. J'étais le gamin, et quand je suis parti, j'étais un des plus vieux. J'avais presque 57 ans. Je travaillais tous les bâtiments. Et j'ai commencé à travailler au bâtiment d'en haut, là, parce qu'il y a des machines à côté des entrepôts, là où l'ascenseur arrive. Le bâtiment d'en haut, l'ascenseur arrive là-haut. Et bien, à cette salle qui est l'ascenseur, j'ai travaillé là. C'était la première machine que j'ai travaillée là. Puis après, je suis descendu en bas, ils m'ont monté de partout. Après, dans tous les recoins. Et même là où il y a des musées maintenant, il y a des machines où j'ai travaillé. Et qu'est-ce qu'ils vous ont donné à faire quand vous êtes arrivé? C'était quoi? C'était en quoi le travail? On travaillait le synthétique, quoi, et on faisait garnir les machines. Et quand les tubes étaient pleins, on les enlevait, on les portait aux femmes pour bobiner. Et puis après, ça partait dans les bonnetteries, ils appelaient. C'est quoi les bonnetteries? Ça passait au tissage, puis ça était pour faire les vêtements. Vous étiez le plus jeune quand vous êtes rentré? Oh, il y en avait d'autres qui étaient un peu un an ou deux de moins que moi. Moi, je suis rentré avec presque 18 ans, il y en a qui étaient rentrés à 16 ans, à 14 ans, il y en a. Même à une époque, les personnes rentraient à 12 ans pour travailler. Mm-hmm. Ma maman elle était née en 1909, elle était rentrée en 1921 pour travailler. Ouais. Elle y travaillait encore quand vous êtes allée travailler? Non, quand elle s'est mariée, elle n'a plus travaillé. Elle était à Aubinat à la ferme. Moi j'avais 18 ans, mais il y a des personnes qui avaient 55 ou 60 ans, parce que la retraite, c'était 65 ans. Et ils rentraient pour travailler, des fois, un an, deux ans, trois ans, pour arriver à 65 ans. Et donc l'usine, elle tournait jour et nuit tout le temps? Tout le temps. Alors, il n'était que pour les congés. À l'époque, quand je suis rentré, on avait trois semaines de congés quand je suis rentré en 63. Puis, ils ont mis la 4e semaine en 68 ou 9. En 82 ou 3, ils ont mis la 5e semaine. Et donc, vous avez vu des gens arriver qui n'avaient jamais travaillé à l'usine de leur vie et qui débarquaient pour les quelques dernières années de leur vie professionnelle. Oui. Qu'est-ce que ça leur faisait? Enfin, ça doit faire bizarre quand même quand on a travaillé. Ils n'avaient pas le choix de pouvoir vivre parce qu'il y avait tellement de charges pour payer et puis il fallait bien manger.